1000 universités, 100 millions d'hommes vivant dans les facultés. Qu'adonnera-t-il de nos petits métiers? Restera-t-il un sabotier? Qu'adonnera-t-il de nos petits métiers? Restera-t-il un sabotier? Il nous faudra vivre pendant de longs mois sur un banc de bois, dans une maison triste où l'on ne parlera de chiffres et de lois. Quand il y aura 100 000 universités, les filles n'auront même plus le temps d'aimer. Que feront-elles quand on ira chercher la fille du dernier sabotier? Que feront-elles quand on ira chercher la fille du dernier sabotier? Tout sera plus sombre autour de leur vie, habillée d'ennui. Les ombres, elles se diront, où sont tous les garçons? Quand il y aura 100 000 universités, 100 000 toits pour cerveaux incultivés, entre deux grands problèmes à évoquer, qui parlera du sabotier? Entre deux grands problèmes à évoquer, qui parlera du sabotier? Il nous faudra vivre dans un grand building, histoire de Stanley. On lira « Je t'aime » sur des IBM. Quand il y aura 100 000 universités, 100 millions d'hommes vivant dans les facultés, qu'adviendra-t-il de nos petits métiers? Restera-t-il un sabotier? Qu'adviendra-t-il de nos petits métiers? Restera-t-il un sabotier? Qu'adviendra-t-il de nos petits métiers? Restera-t-il un sabotier? Qu'adviendra-t-il de nos petits métiers? Restera-t-il un sabotier?